إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Donc nous allons poursuivre l'explication du livre intitulé Les quatre règles de l'éminent savant Cheikhul Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le premier cours, nous avons pu expliquer l'introduction. Et dans ce cours, incha'Allah ta'ala, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter l'étude de cet épître, nous allons étudier les quatre règles que l'auteur a mentionnées dans ce livre. Il dit, rahmahullah, al-qa'idatu al-oula, la première règle. Et que tu saches que les mécréants que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a combattu, reconnaissez qu'Allah le Très-Haut est le Créateur, le Pourvoyeur et celui qui administre tout. Et que cela ne les fit point entrer en islam. La preuve est la parole d'Allah. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dis, qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre, qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort, et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout? Ils diront, Allah. Dit alors, ne le craignez-vous donc pas. Par cette règle, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, veut réfuter ceux qui prétendent que le polythéisme se trouve uniquement dans la seigneurie et rien d'autre. Également par cette règle, il veut réfuter ceux qui se prétendent monothéistes parmi les gens de son époque, sous prétexte qu'ils affirment que c'est Allah qui crée, que c'est lui qui donne la vie, qui donne la subsistance et qui donne la mort. Et lorsque le Cheikh, rahmahullah, a clarifié leur jugement, ils se sont offusqués. Et on dit, comment le Cheikh peut-il nous considérer comme les polythéistes de Quraysh, alors que nous avons la conviction que c'est Allah qui crée. Le Cheikh a donc clarifié dans cette règle que les polythéistes de Quraysh reconnaissaient la seigneurie, tout comme les polythéistes de son époque. Mais malgré que les koufars de Quraysh reconnaissaient la seigneurie, cela ne leur a pas été profitable. Car ils ne sont pas venus avec l'unicité de l'adoration. Tout comme les polythéistes de son époque. Ainsi, le shir démontre que le tawhid ne consiste pas uniquement à reconnaître la seigneurie. Car si c'était le cas, Allah subhanahu wa ta'ala ne les aurait pas jugés mécréants. Et il n'aurait pas ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur dire « Qul ya ayyuhal kafirun » « Dis, ô mécréants !» Et l'éminent savant, l'imam al-Maqrizi, qu'Allah lui fasse miséricorde, nous explique ce point avec plus de détails dans son livre intitulé « Tajrid al-Tawhid ». Il dit, rahimahullah, « D'autre part, il ne fait pas de doute que les polythéistes ne renièrent pas le tawhid de la seigneurie. Ils affirmaient qu'Allah seul est le Créateur, celui qui a créé les cieux et la terre, et celui qui s'occupe du bon ordre de l'univers. Ce qu'ils ont renié est uniquement le tawhid de l'adoration et de l'amour, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala le dit en parlant d'eux. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il dit, rahmahullah, et lorsqu'ils donnèrent des égaux à Allah dans ce tawhid, ils devinrent polythéistes. Ainsi Allah dit, Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et établi les ténèbres et la lumière, pourtant les mécréants donnent des égaux à leur Seigneur. Fin de citation de la parole de l'imam al-Maqrizi, rahmahullah, dans son livre intitulé Tajrid al-Tawhid. Ainsi, on tire de cette règle plusieurs enseignements bénéfiques. Le premier enseignement est que reconnaître l'unicité de la seigneurie ne suffit pas. Et que cela ne fait pas entrer la personne en islam. Le deuxième enseignement est que la différence entre le croyant et le polythéiste se trouve dans l'unicité de l'adoration. Car le croyant et le polythéiste reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam al-Maqrizi dit à ce sujet, toujours dans son livre intitulé « Tajrid al-Tawhid », en effet, tous les hommes sont d'accord sur le tawhid de la seigneurie, qu'ils soient croyants ou mécréants, et ce n'est qu'à partir du tawhid de l'adoration que les chemins du croyant et du mécréant divergent. La parole de l'islam est « La ilaha illallah », il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Si la personne disait « La Rabba illallah, il n'y a pas de Seigneur si ce n'est Allah, ce ne serait pas suffisant pour le faire entrer en islam, comme le disent ceux qui recherchent les avis les plus justes parmi les savants. » Fin de citation de la parole de l'imam al-Maqrizi. Le troisième enseignement est que les prophètes n'ont pas été envoyés pour appeler les gens à l'unicité de la seigneurie. Car leur peuple reconnaissait cette catégorie de tawhid. L'éminent savant, l'imam al-Shawkani, dit à ce sujet, rahmahullah, sache qu'Allah n'a pas envoyé les messagers et n'a pas fait descendre les livres pour que ces créatures aient la connaissance qu'Allah est leur créateur et leur pourvoyeur, car ils reconnaissaient cela avant l'envoi des messagers. Ensuite, l'imam Shawkani, rahmahullah, a mentionné certains versets, puis dit, mais il a envoyé les prophètes et a fait descendre les livres pour la pureté de son tawhid et pour que l'adoration lui soit exclusivement vouée. Allah dit, U'budullah ma lakum min ilahin ghayru. N'adorez qu'Allah, vous n'avez de divinité véritable que lui. Fin de citation de la parole de l'imam Ash-Shawkani. Le quatrième enseignement est que l'unicité de la Seigneurie fait partie des preuves concernant l'unicité de l'adoration. Ainsi, dans le Coran, Allah Azza wa Jal commence souvent par citer l'unicité de la Seigneurie pour arriver à l'unicité de l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Mu'minin, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ. Demande-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y vivent, si vous savez. Ils diront à Allah. Dis-leur, ne réfléchissez donc pas. Demande-leur, qui est le Seigneur des sept cieux et du trône immense. Ils répondront, c'est Allah. Dis-leur, ne le craindriez-vous pas. Demande-leur, qui détient en sa main la royauté sur toutes choses, qui protège et qui nul ne peut se protéger. Si vous savez, ils diront, Allah. Dis-leur, comment donc pouvez-vous être ainsi trompé? Et les versets dans ce sens sont nombreux. Et l'éminent savant Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, dans son livre intitulé Tariq al-Hijratayn, nous dit que l'unicité de la Seigneurie est la plus grande preuve de l'unicité de l'adoration. C'est pour cela que dans le Coran, ce procédé a plus été utilisé que les autres, c'est-à-dire le fait de mentionner l'unicité de la Seigneurie comme preuve et argument de l'unicité de l'adoration. Le cinquième enseignement qu'on tire de cette règle est la réfutation de certaines sectes qui, lorsqu'ils vont appeler au tawhid, ils vont uniquement appeler à l'unicité de la Seigneurie. Et parmi ces sectes, on retrouve Jama'at al-Tablir. Car la secte de Jama'at al-Tablir, lorsqu'ils viennent à parler du tawhid, ils parlent uniquement du tawhid de la Seigneurie. C'est pour cela qu'il y a chez eux quelque chose qu'on appelle Al-Bayan. Al-Bayan, c'est un petit discours que l'un d'entre eux va prononcer après une prière. Et parfois, ils font ça après Salatul Asr. Et souvent, celui qui va donc faire ce petit rappel va parler du Tawhid. Mais de quel Tawhid va-t-il parler? Il va parler du Tawhid de la Seigneurie. Il va par exemple dire, Allah a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé le soleil, c'est lui qui a créé toutes choses, et il va s'arrêter là. C'est pour cela que il y a une parole très pertinente de l'éminent savant Al-Sheikh Mourbil Ibn Hadi Al-Wadi'i, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, concernant le prêche de Jama'at al-Tablir. Il dit, rahmahullah, si Abu Jahl et Abu Lahab auraient entendu le prêche de Jama'at al-Tablir, ils ne l'auraient pas refusé. Il ne l'aurait pas refusé. Pourquoi? Car lorsqu'ils viennent à parler du tawhid, ils parlent du tawhid de la seigneurie. Et Abu Jahl et Abu Lahab reconnaissaient cette catégorie de tawhid. Naam. Donc voici cinq enseignements profitables et bénéfiques qu'on tire de la première règle que l'auteur rahimahullah a mentionnée. Ensuite, il dit rahimahullah la deuxième règle et qu'ils disent nous ne les invoquons et nous nous tournons vers eux que pour demander le rapprochement et l'intercession. La preuve concernant le rapprochement est la parole d'Allah. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et ingrat. Et la preuve concernant l'intercession est la parole d'Allah. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire, ni leur profiter et disent « Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. » L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné cette règle comme réponse à une question que l'étudiant en sciences pourrait se poser après avoir lu la première règle. Car dans la première règle, l'auteur clarifie que les polythéistes de Quraysh reconnaissaient l'unicité de la seigneurie. Et à la base, celui qui a la conviction que c'est Allah qui crée, qui donne la vie, que c'est lui qui donne la mort, que c'est lui qui donne la subsistance, cela doit le mener avouer l'ensemble de ses adorations pour Allah. Mais ce ne fut pas le cas avec les polythéistes de Quraysh. Alors ici, l'étudiant pourrait se poser la question, pourquoi sont-ils tombés dans le shirk alors qu'ils reconnaissaient l'unicité de la seigneurie? Ainsi, l'auteur, rahimahullah, répond à cette question dans cette règle. Et il mentionne que les polythéistes d'antan ont pris des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Certains d'entre eux ont dit « Allah est immense et nous ne pouvons l'adorer uniquement en passant par des intermédiaires. » Ainsi, ils ont adoré ces intermédiaires qu'ils ont pris entre eux et Allah, pour qu'ils les rapprochent davantage d'Allah Azzawajal. Et d'autres ont dit, certes les anges, les prophètes et les pieux ont un haut rang auprès d'Allah et sont agréés auprès de lui. Au contraire de nous, nous sommes des gens faibles et désobéissants. Nous allons donc les adorer et leur transmettre nos demandes, et leur demander ce qu'on a besoin pour qu'ils transmettent tout cela à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils intercèdent pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces polythéistes sont tombés dans plusieurs choses graves. La première est qu'ils sont tombés dans le shirk, car ils ont adoré ces intermédiaires. Deuxièmement, ils ont fait ressembler Allah à un roi de ce bas monde. Par exemple, celui qui veut adresser une lettre au roi, il devra passer par un rapproché du roi ou par l'une de ses connaissances. Il ne pourra pas, en règle générale, accéder directement au roi. il faudra qu'il passe par un intermédiaire, par quelqu'un de sa famille, par quelqu'un parmi ses rapprochés. Et donc, les polythéistes ont fait ressembler Allah subhanahu wa ta'ala à un roi de ce bas monde, wal'iyadhu billah. Également, ils ont eu une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ils avaient la conviction que pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce leurs invocations, ils devaient passer par autre que lui. Et ils devaient invoquer autre que lui, Azza wa Jal. Et il n'y a pas de doute que ceci est une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons à la parole de l'auteur lorsqu'il nous dit la deuxième règle est qu'ils disent « Nous ne les invoquons et nous nous tournons vers eux que pour demander le rapprochement à l'intercession. » La preuve concernant le rapprochement est la parole d'Allah selon le sens « Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui disent « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah. En vérité, Allah jugera parmi eux sur ce en quoi ils divergent. Allah ne guide pas celui qui est menteur et grand ingrat. » Les savants de la Sunna ont tiré une règle très importante de ce verset. Et cette règle est que la fin ne justifie pas les moyens. Car celui qui médite sur le but et l'objectif des mécréants qui sont cités dans ce verset, il verra qu'en vérité, à la base, c'est un but qui est louable. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il voulait être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vouloir être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, être compté parmi les rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala, est un but louable et noble. Mais pour arriver à ce but, ils ont associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que leur but était louable, Allah subhanahu wa ta'ala les a jugés mécréants. Et de cela, les savants ont tiré que la fin ne justifie pas les moyens. Si tu as un but qui est louable, tu te dois de faire des causes qui sont légiférées pour y arriver. Et ça, barakallahu fikoum, c'est la voie des gens de la sunna. Contrairement à la voie des gens de l'innovation. La règle chez les gens de l'innovation est que la fin justifie les moyens. Prenons par exemple la secte qu'on appelle Al-Ikhwan Al-Muflisoun, comme le disait Cheikh Mourbil, Rahmahullah. Al-Ikhwan Al-Muslimoun, les frères musulmans. Ils vont dire: nous avons l'objectif que les gens rentrent en islam. Nous avons l'objectif de faire la da'wa. Et ceci est un but louable. Mais comment vont-ils arriver à ce but? Ils vont par exemple faire des mises en scène. Il y aura par exemple un imam dans une mosquée et un jeune qui va faire le rôle d'un dévoyé et il va le conseiller, le jeune va dire « moi je bois de l'alcool », il va faire rire les gens et l'imam va le conseiller dans le but de faire la da'wa. Dans le but de faire la da'wa. Également, ils vont te dire « il faut appeler les gens à l'islam, il faut que les gens rentrent dans l'islam, etc. » Et ils vont innover pour arriver à ce but-là. Car pour eux, la fin justifie les moyens. Prenons également la secte qu'on appelle Jama'at al-Tablir. Ils vont te dire « قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية » « Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. » Ils vont te dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'éloge du prêcheur et il a mentionné que le prêche est l'une des meilleures paroles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ » Et donc, à la base, ce qu'ils disent est vrai. Et cet objectif est noble et louable. Mais comment ont-ils fait pour arriver à cet objectif? Ils ont innové dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Un dernier exemple, avec la secte des soufis. Ils ont dit, et il faut beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et non, le fait de beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala est un objectif qui est noble et louable. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont innové. Ils ont évoqué Allah subhanahu wa ta'ala d'une voix innovée. En disant par exemple, Allah, Allah, Allah, Hayyul Qayyum, Hayyul Qayyum, et ce genre de choses. Pourquoi? Car la règle chez eux, ainsi que chez l'ensemble des gens de l'innovation, est que la fin justifie les moyens. Alors que, chez les gens de la sunna, la fin ne justifie pas les moyens. Et la preuve de cela réside dans ce verset du Coran et dans d'autres hadiths de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, il dit, rahmahullah, et l'intercession est de deux sortes. Une intercession infirmée et une intercession affirmée. L'intercession infirmée est celle qui est demandée à autre qu'Allah dans ce que seul Allah est capable de faire. La preuve est la parole d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a. Ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. Puis il dit, et l'intercession affirmée, et celle qui est demandée à Allah, l'intercesseur est honoré par l'intercession. Quant à celui pour qui on intercède, c'est celui dont Allah agrée ses paroles et ses actes, et elle a lieu après qu'il en ait donné la permission, comme Allah a dit, Man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Concernant l'intercession, les savants nous disent que linguistiquement, elle désigne le moyen. Et dans la législation, elle désigne la demande de bien pour autrui. Et l'intercession comporte trois piliers. Le premier pilier est l'intercesseur. Le deuxième est le bénéficiaire de l'intercession. Et le troisième pilier est celui à qui on demande l'intercession. Et l'intercession doit forcément réunir ces trois piliers. Et pour que l'intercession soit acceptée, il faut qu'elle regroupe deux conditions. La première est la permission d'Allah pour l'intercesseur d'intercéder. Et la deuxième est l'agrément d'Allah pour le bénéficiaire de l'intercession. Et ces deux conditions sont réunis dans le verset 26 de sourate l'Étoile. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa kam min malakin fis samawati la tourni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zan Allahu liman yasha' wa yarda » Que d'anges dans les cieux, leur intercession ne peut profiter qu'après qu'Allah le permette en faveur de celui que lui veut et agrée. Et l'intercession, comme l'a mentionné l'auteur, se divise en deux catégories. Nous avons l'intercession infirmée. Et c'est l'intercession qui ne réunit pas toutes les conditions mentionnées précédemment. Ensuite, nous avons la deuxième catégorie d'intercession, qui est l'intercession affirmée. Et c'est l'intercession qui réunit toutes les conditions. Et cette intercession, c'est-à-dire l'intercession affirmée, se divise en deux catégories. Nous avons l'intercession qui est spécifique au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et elles sont au nombre de trois. La première est la grande intercession, qui consiste en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam intercède pour qu'Allah azza wa jal juge entre ses serviteurs. Et selon certains savants, c'est cette intercession qui est visée par la parole d'Allah azza wa jal dans sourate al-Isra. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Et consacre une partie de la nuit à des prières surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en t'accordant une position de gloire. La deuxième catégorie est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens du paradis puissent entrer au paradis. Cette intercession est venue dans le hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: « Je viendrai à la porte du paradis au jour de la résurrection et je demanderai qu'on l'ouvre. Le gardien demandera alors: qui es-tu? Et je répondrai: Mohammed. Il dira alors: c'est à toi qu'on m'a ordonné d'ouvrir et à personne d'autre avant toi. » Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. La troisième catégorie est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur de son oncle Abu Talib pour que le châtiment lui soit allégé. Donc voici les trois intercessions spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous avons l'intercession qui n'est pas spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est commune entre lui et les autres prophètes, les anges, les véridiques et les martyrs. Il y en a plusieurs, mais celle sur laquelle nous allons nous attarder, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des monothéistes ayant commis des grands péchés, qui seront rentrés en enfer afin qu'ils en sortent. Et cette intercession a été confirmée dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans de nombreux hadiths. Parmi eux, le hadith rapporté par Abu Daoud d'après Anas ibn Malik radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: mon intercession sera en faveur des gens de ma communauté qui ont commis des grands péchés. Également, nous avons le hadith rapporté par les Bukhari et Muslim d'après Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah lui accordera l'intercession et lui dira: fais sortir de l'enfer quiconque a dans son cœur le poids d'un dinar de foi, puis le poids d'un demi-dinar de foi, puis le poids d'un noyau, puis le poids d'un gramme de maïs de foi. Enfin, celui qui a le poids trois fois inférieur à celui d'un atome de foi. Et ces preuves sont claires quant à l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faveur des monothéistes ayant fait des grands péchés pour qu'ils sortent de l'enfer. Et malgré la clarté de ces preuves, certaines sectes parmi les gens de l'innovation l'ont renié. Parmi eux, on retrouve la secte des Khawarij, celle des Mu'tazila, et d'autres parmi les gens de l'innovation. Et ce qui les a poussés à renier cette intercession est leur croyance que celui qui commet des grands péchés est mécréant. Ainsi, selon eux, s'il meurt sans se repentir, il restera éternellement en enfer. Par la suite, ils se sont attachés aux preuves dans lesquelles l'intercession envers les mécréants est infirmée, telles que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Baqarah: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Ô vous qui croyez, dépensez de ce que nous vous avons attribué avant l'avènement d'un jour où il n'y aura ni rachat, ni amitié, ni intercession. Les mécréants sont les injustes. Et c'est pour cette raison qu'ils ont renié cette intercession. Alors que les savants de la Sunna nous disent que les preuves infirmant l'intercession visent celles en faveur des mécréants. Naam. Ensuite, l'auteur nous dit, rahmahullah, la troisième règle est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est apparu auprès de gens divisés dans leurs adorations. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres adoraient les prophètes et les vertueux, d'autres adoraient les arbres et les pierres, et d'autres adoraient le soleil et la lune. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les combattit et ne fit pas de distinction entre eux. Dans cette règle, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, réfute les polythéistes de son époque qui disaient que les versets du Coran qui concernent le polythéisme sont descendus pour ceux qui adorent les idoles. Quant à eux, c'est-à-dire les polythéistes à l'époque du Cheikh, quant à eux, ils adorent les pieux. Donc selon eux, ils ne sont pas concernés par ces versets. Et l'auteur nous clarifie dans cette règle que le shirk n'est pas restreint dans l'adoration des idoles. Et que les polythéistes d'antan étaient divisés dans leurs adorations. Et malheureusement, certains musulmans, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, à notre époque, ont la conviction que le shirk réside dans l'adoration des idoles. Pour eux, celui qui sort de l'islam est celui qui a adoré une idole. Et cette mauvaise compréhension revient souvent à la mauvaise compréhension de la ilaha illallah. Car ceux qui ont la conviction que le shirk réside dans l'adoration des idoles, en règle générale, ils disent que la ilaha illallah a le sens de la khaliqa illallah. C'est-à-dire que la ilaha illallah signifie il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont la conviction que celui, par exemple, qui va sacrifier pour autre qu'Allah, cela ne rentre pas dans le shirk. Celui qui invoque autre qu'Allah, cela ne rentre pas dans le shirk. Tant qu'il a la conviction que c'est Allah qui crée, qui donne la vie, qui donne la mort et autres, il ne sort pas de l'islam. Et donc l'auteur, rahmahullah, a réfuté cette mauvaise compréhension et a réfuté cette ambiguïté. Et il a mentionné un point très important en nous disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est apparu auprès de gens divisés dans leurs adorations. Et l'auteur, par la suite, a mentionné les preuves qui nous indiquent cela. Il a commencé par dire, rahmahullah, donc dans le Coran, « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ » et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. La preuve concernant le soleil, la lune et la parole d'Allah, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Parmi ces signes, il y a la nuit et le jour. Le soleil et la lune, ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala interdit d'adorer le soleil et la lune, ce qui nous montre que des gens ont adoré le soleil et la lune en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahmahullah, la preuve concernant les anges et la parole d'Allah, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Et il ne vous ordonne pas de prendre les anges et les prophètes pour seigneur. La preuve concernant les prophètes est la parole d'Allah. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Et lorsqu'Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux anges, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Ce verset nous indique un point très important dans le tawhid. Quiconque voue une adoration pour autre qu'Allah a pris cet autre comme seigneur et divinité. C'est pour cela que lorsque les chrétiens ont adoré Isa alayhi salam et sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala les a nommés comme divinités. C'est pour ça qu'il dit azawajal, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah. Et lorsqu'Allah dira, ô Isa, fils de Maryam, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons d'autres versets qui vont dans ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat At-Tawbah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn Maryam. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوْ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Messie, fils de Maryam, pour seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a ordonné que d'adorer une divinité unique. Il n'y a de divinité digne d'adoration que lui. Gloire et pureté à lui. Il est au-dessus de ceux qui lui associent. Ensuite, il dit, rahmahullah, la preuve concernant les vertus et la parole d'Allah, Oulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adhabah. Ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. L'imam al-Bukhari et Muslim rapportent, d'après Abdullah ibn Mas'ud qui a dit au sujet de ce verset, un groupe de djinns avait embrassé l'islam et ils étaient adorés. Ceux qui les adoraient restèrent dans leur adoration alors que le groupe de djinns devint musulman. Et dans d'autres versions du hadith, il est mentionné que ce groupe de personnes étaient des Arabes. Cependant, il y a d'autres avis concernant la cause de la révélation de ce verset. L'éminent savant, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah, après avoir mentionné les différents avis, nous dit que tous les avis sont bons et que ce verset englobe tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, parmi les anges et les humains, qui cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Mais ce qui est apparent, c'est que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab est d'avis que la cause de la révélation de ce verset est qu'un groupe de djinns avait embrassé l'islam et ils étaient adorés, et ceux qui les adoraient restèrent dans leur adoration alors que le groupe de djinns devint musulman. C'est pour cela qu'il a mentionné ce verset comme preuve que les vertueux ont été adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahmahullah, la preuve concernant les arbres et les pierres et la parole d'Allah, afara'aytumul lata wal uzza ومنات الثالثة الأخرى. Voyez-vous اللات et عزة ainsi que منات, cette troisième autre. Il y a aussi le hadith d'Abu Waqid al-Layfi, qu'Allah l'agré, qui a dit: nous sommes sortis avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers Hunayn, alors que nous venions récemment de sortir de la mécréance. Les polythéistes avaient un jujubier appelé Dhatu Anwat, auprès duquel ils s'installaient et sur lequel ils accrochaient leurs armes. Nous sommes alors passés auprès d'un jujubier et avons dit: ô messager d'Allah, désigne-nous un Dhatu Anwat comme ils ont un Dhatu Anwat. Naam. Ces deux preuves nous montrent que les arbres et les pierres ont été adorés en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, rahmahullah, la quatrième règle est que l'association des polythéistes de notre époque est pire que celle des premiers. En effet, les premiers polythéistes associaient dans l'aisance et vouaient un culte sincère à Allah lors de la difficulté. Quant aux polythéistes de notre époque, leur association est permanente dans l'aisance ainsi que dans la difficulté. La preuve est la parole d'Allah: فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer, en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. L'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné cette règle pour clarifier que l'association des polythéistes de notre époque est pire que celle des premiers. Et il y a de nombreuses différences entre l'association des polythéistes de notre époque et celle des premiers. Commençons par l'association des polythéistes de notre époque. Premièrement, leur polythéisme est permanent, que ce soit dans l'aisance ou dans la difficulté. Deuxièmement, leur polythéisme est dans les trois catégories de tawhid. Troisièmement, lorsqu'ils veulent montrer qu'ils sont véridiques, ils vont jurer par leur divinité. Quatrièmement, en règle générale, ils adorent des pervers, wal'iyadhu billah. Quant au premier polythéiste, ils associaient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'aisance, alors que dans la difficulté, ils vouaient un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le verset que l'auteur a cité en est la preuve. Deuxièmement, leur association était dans l'adoration et ils n'avaient pas la conviction que leur divinité pouvaient les écarter d'un mal ou leur apporter un bien, mais plutôt ils les ont pris comme intermédiaires et comme intercesseurs, comme nous l'avons mentionné dans la deuxième règle. Troisièmement, lorsqu'ils voulaient montrer leur véracité, ils juraient par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ. Ils jurent solennellement par Allah: Allah ne ressuscitera pas les morts. Quatrièmement, en règle générale, ils adoraient les prophètes, les anges et les vertueux, en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cinquièmement, ils ne reniaient pas les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Car certains Arabes ont renié le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux. Comme cela est venu dans Sourate Al-Furqan: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. Lorsqu'on leur dit: prosternez-vous devant le miséricordieux, ils disent: qui est le miséricordieux? Nous nous prosternerons, nous, sur ton ordre. Et ceci ne fait qu'augmenter leur répulsion. Donc avec ça, walillah alhamd, nous avons terminé l'explication de cette épître, les quatre règles de l'éminent savant, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que ces assises soient une preuve pour nous et non contre nous. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.